Bosco Douimane. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal, cette grande édition de cette mi-journée du 14 février 2020. En voici les grandes articulations. Le Conseil des ministres de mercredi a recommandé l'accélération de la mise en place de la Banque des femmes. Il a été également question de l'adoption d'un projet de décret portant création du Fonds spécial de réduction des risques des catastrophes naturelles. Vous entendrez les précisions du secrétaire général et porte-parole du gouvernement dès le début de ce journal. Et des études en vue de la construction d'un aéroport en province de Ngozi sont en cours. Même la question des frais d'indemnisation de la population qui sera expropriée presque à sa finalisation. Les détails, c'est dans ce journal. Et 18 fosses communes ont été déjà identifiées tout près de la rivière Rouvou entre les provinces de Karouzi et Gitega. Et 6000 restes de corps humains dans 6 fosses déjà exploitées ont été découverts. Le président de la commission Vérité et Réconciliation se garde de qualifier les crimes commis avant la fin des enquêtes. Et en actualité internationale, l'Organisation des Nations Unies met en garde contre le danger de famine en Afrique de l'Est si d'énormes essaims de criques et pèlerins ne sont pas vaincus. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi a recommandé que la mise en place de la Banque des femmes soit accélérée. Lors de l'analyse du projet de loi relatif, il a été souligné que cette banque s'inscrit dans la promotion de l'autonomisation de la femme et de sa participation à la croissance économique du pays. Suivez les précisions du secrétaire général et porte-parole du gouvernement Prosper Naoguami. Projet de création de la Banque d'investissement et de développement pour les femmes. Ce projet a été présenté par le ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre. Le gouvernement de la République du Burundi a décidé, en matière de genre et d'autonomisation de la femme, de renforcer son engagement à éliminer les inégalités et l'exclusion liée au genre en actualisant la politique nationale genre en 2003. C'est pourquoi des avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la femme. Les partenaires techniques et financiers du gouvernement jouent également un rôle significatif en soutenant les initiatives en faveur des femmes burundaises, notamment en facilitant leur accès au crédit. Malgré tous ces efforts, les défis persistent et leurs effets empêchent la femme à participer activement aux activités économiques. C'est pour cette raison que le gouvernement du Burundi a pris l'initiative de création d'une banque pour les femmes chargée de faciliter le financement des projets économiques initiés par les femmes en entreprise, en association et en coopérative. La création d'une banque pour les femmes est une des mesures salutaires pour promouvoir leur autonomisation, leur participation active et leur contribution à la croissance économique durable au Burundi. Après échange et débat, le Conseil a soutenu le projet et a recommandé d'accélérer la mise en place de cette banque. Prosper Naoguami qui nous précise également qu'au cours de ce Conseil des ministres, un projet de décret portant création du Fonds spécial de réduction des risques de catastrophes a été adopté. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement indique que le plan national de développement a prévu la création du Fonds de financement des activités de prévention des catastrophes. Projet de décret portant création du Fonds spécial de réduction des risques des catastrophes. Ce projet a été présenté par le ministre de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes. Depuis quelques décennies, le monde entier connaît une recrudescence des catastrophes d'origine diverse. Les pertes dues à ces catastrophes sont en augmentation, ce qui a de graves conséquences sur la vie humaine, les moyens de subsistance des populations et des diverses infrastructures. Face à cette situation, les autorités mondiales se sont réunies en 2005 et en 2015 au Japon pour mettre en place une ligne directrice afin de réduire les pertes et les risques liés aux catastrophes. Au niveau régional et sous-régional, les États se sont organisés pour créer des structures chargées de suivre au quotidien la thématique de la réduction des risques de catastrophes afin de se conformer au cadre tracé au niveau mondial. En ce qui concerne notre pays, ces structures existent depuis octobre 2016 2017 avec la création de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, et ces démembrements existent au niveau de chaque province. Dans le souci de s'aligner au cadre tracé au niveau mondial, le plan national de développement a prévu la création d'un fonds de financement des activités de prévention des risques et de gestion des catastrophes. C'est l'objet de ce projet de décret. À l'issue de l'analyse de ce projet, le Conseil l'a adopté moyennant quelques corrections. Prosper Nhaogwamiye, c'était des extraits du compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. La Banque de la République du Burundi devrait laisser les bureaux de change continuer à travailler. C'est du moins l'avis de Faustin Ndikumana. Cet économiste craint que les mesures prises par la Banque centrale n'empirent la situation de manque de devises. Pour lui, la BRB devrait prendre des mesures rationnelles par rapport à la situation. Suivez Faustin Ndikumana. On devrait vraiment laisser les bureaux de change continuer. Plutôt notre économie est à même à 70, à plus de 70% informée. Les bureaux de change doivent être des centres de captage de toutes les devises qui entrent de façon informée dans notre pays. Nos pays limitrophes, il y a des opérateurs économiques, des pays qui entrent, il y a des mouvements, il faut capter toutes ces devises qui entrent. Il faut ce que la Banque centrale prenne des mesures aussi pour intéresser même des Burundis de la diaspora pour venir investir ici, placer de l'argent en devise ici au Burundi. On peut les rémunérer en flambeau avec un taux de rémunération beaucoup plus intéressant. Quelqu'un de la diaspora qui passe son argent ici à la Banque centrale en devise peut avoir une rémunération en flambeau pour exercer ses activités ici au Burundi. Il y a des mesures incitatives pour que les touristes viennent, ne pas créer un environnement beaucoup plus serré qui limite les gens à être libres dans leurs mouvements ou dans leurs activités. Et aussi, il faut soutenir les exportations. Pour une analyse minutieuse, il faut prendre beaucoup de considérations pour essayer de prendre des mesures rationnelles par rapport à la situation, des mesures pragmatiques et non pas prendre des mesures qui risquent plutôt de faire reculer la situation. Faustin Ndikumana, économiste et analyste indépendant. Des études en vue de la construction d'un aéroport en province de Ngozi sont en cours. Même la question des frais d'indemnisation de la population qui sera expropriée est presque à sa finalisation. Cela a été déclaré ce jeudi par le ministre des Transports lors de la présentation du bilan des réalisations dans le second semestre de 2019 par son ministère. Jean-Bosco Nzuenimana dit également que le transport aérien et le transport maritime sont en train d'être révisés. On fait le point avec Ezekiel Ndikumwenayo. Le ministre Jean-Bosco Nzuenimana dit que l'aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura sera bientôt réhabilité et les préparatifs pour la construction des nouveaux aéroports de Kabamba en province Ngozi sont à un pas satisfaisant. Le gouvernement chinois a accordé un don pour la construction et la réhabilitation de la piste d'atterrissage et la tour de contrôle. En plus des compagnies aériennes qui fréquentent l'aéroport Melchior Ndadaye pour le projet de construction d'un aérodrome de secours à Kabamba, Ngozi, le procédé d'indemnisation de la population se trouve sur le site où sera érigé cet aérodrome sont en cours de finalisation et les études de faisabilité continuent. Selon le ministre des Transports, dans le but de faciliter la circulation des personnes et des biens dans la communauté de l'Afrique de l'Est, de nouvelles conventions ont été signées entre le Burundi, la Tanzanie et la République démocratique du Congo pour la construction d'un chemin de fer Uvinza, Musongati et Kindu. Un nouveau mémorandum d'entente a été signé à marge de la première réunion de haut niveau à Kigoma entre les ministres burundais, tanzaniens et de la RDC en date du 30 novembre 2019. Au cours de cette réunion, l'étude de faisabilité du consultant a été analysée. Il a été décidé de réviser les corridors alternatifs sur le tronçon Uvinza-Musongati. Après cette activité, le Burundi devra actualiser les études de faisabilité sur le tronçon Musongati-Gitega, dont le terme de référence pour le critère en consultant soit encore élaboré. Le ministre des Transports, Jean-Bosco Nzuenimana, dit en outre que le transport maritime est en train d'être revisé. Pour le projet de développement du corridor de transport sur la Tanganyika, les financements ont été approuvés et le protocole d'accord de dons seront signés au début de cette année 2020. Ici, je signale que le protocole d'accord sur le financement de la BAD mardi prochain avec le ministre des Finances et le représentant de la BAD. Le dit projet sera financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Quant au projet de construction du port d'Ormonde, les études de faisabilité sont en cours de finalisation sur le financement de la Banque mondiale avec un taux d'avancement de 80%. Jean-Bosco Nzuenimana ajoute également que le Japon a accepté de contribuer dans la construction de bateaux afin de faciliter la circulation maritime. n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Les bouchers de la commune Bouguendana en province de Gitega réclament l'extension d'un abattoir récemment construit. Ils estiment en effet que cette infrastructure est trop exiguë avec une capacité d'accueil de 6 vaches seulement au maximum au moment où ils peuvent en abattre 50 par jour. Le conseiller de l'administrateur de la commune Bouguendana chargé du développement dit que ce problème a été transmis à qui de droit et qu'une réponse favorable est attendue. Gérard Nibigira. Le président de l'association des bouchers de la commune Bouguendana, Niomuru Emmanuel, dit que l'abattoir récemment construit dans cette commune est trop exigu car sa capacité d'accueil est de 6 vaches au maximum. C'est au moment où dans cette commune, à moyenne par jour, sont abattues 10 vaches, 20 vaches, 30 vaches, 50 et 60 même plus, selon du moins les quantités de viande commandées par leurs clients, ajoute-t-il. Niomuru Emmanuel souligne que comme seules 6 vaches sont abattues dans cet abattoir, plusieurs autres vaches sont alors abattues en plein air derrière l'abattoir. Il demande donc l'extension de cette infrastructure d'élevage. De son côté, le conseiller technique de l'administrateur de la commune Bouguendana chargé du développement, Pater Nebingoye, dit que ce problème est déjà signalé au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Le problème est connu, même au niveau du ministère, on a déjà évoqué cette situation parce qu'on a construit les abattoirs au niveau national sans tenir compte des fréquences et des vaches qui sont abattues dans différents abattoirs. Chez nous, nous faisons exception parce que nous avons beaucoup de marchés à Bujumbura, ce qui nous permet d'abattre au moins 20 vaches par jour. Si le demandeur augmente leur demande, nous abattissons même à 60 vaches par jour, alors que l'abattoir, sa capacité est de 6 vaches seulement. Pater Nebingoye déclare que la viande de Bouguendana est vendue essentiellement dans les villes de Bujumbura, Gitega, Ngozi. Il termine en disant que cet abattoir a rehaussé quelque peu les recettes communales car une vache abattue est taxée d'une somme de 10 000 francs contre 4 000 francs d'avant sa construction. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Je vous l'avais dit dans les titres, 18 fosses communes ont déjà été identifiées auprès de la rivière Ouvou entre les provinces de Karoussi et Gitega. Dans un point de presse ce vendredi, le président de la commission Vérité et Réconciliation a indiqué qu'ils ont déjà découvert plus de 6000 restes des corps humains sur 6 fosses communes déjà exploitées. Mais Pierre Claverne d'Aïchalié a expliqué que la CVR ne peut donner de qualification des crimes commis avant la fin des enquêtes. Aubin Niongourou. Certains des participants à ce café de presse ont demandé à ce que la CVR puisse qualifier les crimes déjà connus. Pour le président de cette commission, il est encore tôt puisqu'il faudra d'abord achever les enquêtes. À part les restes des corps humains, il précise aussi d'autres objets déjà retrouvés dans des fosses communes. Des restes humains de plus de 6000 personnes. En plus des ossements, nous avons retrouvé des habits pour hommes et femmes, des chaussures, des chapelets, des chaînettes, des lunettes, des douilles de fusil, des balles de fusil, etc. D'autres se sont inquiétés du fait que la commission Vérité et Réconciliation ne se penche qu'au crime de certaines dates, ce qui est faux selon Pierre Claver d'Aïchalié. Concernant ceux qui réclament toujours des monuments aux morts, il a rappelé que seront érigés des sites et des monuments. La commission voudrait rappeler qu'il est prévu l'érection sur des sites identifiés des monuments de la réconciliation et de la mémoire au niveau national, au niveau provincial et local. Si le site de la Rouvoubou devait abriter un monument, cela proviendra d'un dialogue avec les responsables des institutions nationales. À la question de savoir si les exhumations qui se font ces derniers temps ne risquent d'alimenter des divisions, il dit plutôt que le travail de recherche de la vérité a une mission de réconciliation. Voilà la vérité qu'il faut affronter si du moins nous voulons que nos enfants, que vos enfants vivent demain dans un pays de paix, dans un pays de respect communautaire, dans un pays de respect de la vie, dans un pays où les gens ne fuient pas la vérité. Ça s'est passé, c'est pourquoi nous chantons l'unité du bout des lèvres, mais dans le cœur, l'unité n'y est pas. Et sur 18 fosses communes déjà excavées au bord de la rivière de Rouvoubou, 6 ont déjà été exploitées et 6032 restes de corps humains ont été découverts. Merci Aubin. Du sport dans l'actualité de ce 14 février 2020. Le championnat national de la deuxième division édition 2020 commence ce vendredi. Le président de la commission d'organisation des compétitions au sein de la Fédération burundaise de football le fait savoir que toutes les équipes se sont bien préparées et précise que la FFB a déjà octroyé les licences à tous les joueurs. Youssouf Mossi dit que les trois premiers clubs seront qualifiés pour le championnat national de la première division édition 2020. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Nous nous sommes très bien préparés parce que nous avons mis en place toutes les conditions nécessaires pour pouvoir lancer ce championnat. Et il y a tout d'abord la mise en place du calendrier, il y a la mise en place du règlement, il y a les prérequis pour que les joueurs puissent avoir la licence qui leur permet de jouer les matchs. Nous avons essayé de travailler avec les clubs pour valider les demandes qu'ils nous ont envoyées. Maintenant, ils sont dans le processus d'acquisition de ces licences. Et entre-temps, la fédération aussi se prépare pour pouvoir disponibiliser l'assistance qui est dévolue au club pour leur déplacement. Quelle est la différence entre le championnat de la deuxième division et celui de la première division dénommée Primus League Burundi? La différence est que pour la deuxième division, faute de sponsors comme nous l'avons pour la première division, c'est la fédération qui organise ce championnat avec ses propres moyens. Nous subdivisons les équipes en deux poules, c'est-à-dire les équipes qui sont dans la plaine de Limbo, qui sont regroupées dans un groupe, et puis il y a les équipes qui sont dans le reste du pays, qui jouent dans le groupe B. Donc, ça veut dire que nous avons le groupe A et le groupe B. Les premiers de chaque groupe, A et B, sont directement qualifiés pour jouer l'année prochaine en première division. Et puis, nous organisons, après un match de barrage, de ceux qui sont classés deuxième, qui se rencontrent en aller et retour. Et le vainqueur de ce match d'appui est directement qualifié pour rejoindre les deux autres équipes. Quelle est la nouveauté pour le championnat de cette édition 2020? Bon, la nouveauté, ce que nous avons apprécié, c'est que nous avons eu moins de problèmes. Cela nous a permis de très bien organiser le championnat. L'actualité nationale en bref, 5 personnes dont 4 écoliers ont été grièvement blessés ce jeudi lors d'un accident de roulage survenu sur la RN9 reliant Bujumbura à Bubanza, tout près du marché de Moussigny en commune Manda. Les témoins sur place indiquent que le véhicule roulait à très grande vitesse et en déviant les trous se trouvant dans la route, il a percuté ces personnes qui ont été directement évacuées à l'hôpital. Le gouverneur de Bubanza, tout comme le commissaire provincial de police, demande à la population en général et aux passagers en particulier de dénoncer chaque fois les chauffeurs qui roulent à grande vitesse. Terence Nobus Butoyi, gouverneur de Bubanza, ajoute qu'il a toujours demandé aux autorités de procéder à la réhabilitation de cette route. Et la méconnaissance du contenu de la loi sur le paiement des taxes de consommation et la sensibilisation dans ce sens, voilà les points à l'ordre du jour d'une réunion organisée ce vendredi par l'Office burundais des recettes à l'intention de ceux qui travaillent dans le secteur agroalimentaire. Les enquêtes menées par l'OBR ont montré que ces personnes ne payent pas ces taxes. Ces personnes ont souhaité que l'OBR leur donne des documents pour la bonne compréhension de cette loi afin d'éviter de payer des amendes. Et en actualité internationale, l'ONU a mis en garde contre le danger de famine en Afrique de l'Est si d'énormes essaims de criquets pèlerins ne sont pas vaincus. Les insectes ont jusqu'à présent touché l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, dévorant les cultures et les pâturages dans des régions qui souffrent déjà de pénurie alimentaire. Et l'Éthiopie adopte une loi contre les discours de haine. Les peines pour la propagation de telles déclarations comprennent des amendes pouvant aller jusqu'à près d'1 900 000 francs CFA et des peines de prison jusqu'à 2 ans. Le texte en faveur duquel près de 300 parlementaires ont voté définit comme haineux des propos qui alimentent la discrimination contre des individus ou des groupes sur la base de leur nationalité, leur appartenance ethnique et religieuse, leur sexe ou leur handicap. Et au Burkina Faso, la procédure judiciaire dans le cadre de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara se poursuit hier jeudi. Le tribunal militaire de Ouagadougou a procédé à la première reconstitution de l'assassinat du père de la Révolution et de ses compagnons. Les survivants témoins inculpés ont participé à cette reconstitution. Objectif visé, retracer le parcours de chaque protagoniste, voir la vraisemblance ou non des différentes versions de certains faits. Et parmi les inculpés présents, le général Gilbert Diendéré, à retracer ce qui a été son parcours quand les armes ont commencé à crépiter dans l'après-midi du 15 octobre 1987, du terrain de sport aussi de la tuerie, en passant par son bureau de l'époque. Selon la reconstitution, tous les inculpés et témoins dans l'affaire présents dans la capitale ont participé à cette première reconstitution de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara durant le coup d'état d'octobre 1987. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.